00 8 Orala et les gars J toujours là Records Genève, tes dédicaces okay. Pour les lotres. On joue à notre façon, tu joues à ta façon, on joue à ma façon, on joue à notre façon. Ouais gars, ok gros, écoute ça, toujours là. Le rap est devenu conscient depuis que mon flow est sorti du coma. Je me pars comme un soldat, Lucie est devenu mon meilleur ami. Il me suit partout, puis je m'en sers pour éviter d'avoir des trous de partout. Comme une passoire, redessinée à la lame de rasoir. Combien de fois j'ai demandé à Dieu que la thune se mette à pleuvoir. Qu'il m'appume, arrête de s'émouvoir. Il est temps de s'émouvoir, de monter une marche au-dessus pour voir ce qu'il y a à voir. Il n'y a plus aucune gloire à vouloir participer, tout le monde veut gagner. Les gens viennent bien trop avoir à mon goût. Mais l'espoir m'a fait tenir le coup. Les stars préfèrent me voir dormir au trou qu'à concevoir un nouveau coup. Entre nous, on sait bien qui sont les plus grands ripoux. Surtout, n'oublions pas leur mauvaise foi, leur mauvais geste envers nous. Ma musique, c'est du taf, autant d'heures qu'un taf à l'usine. Et ces bâtards me prennent pour un dealer de l'usine. Tu sais, j'ai la douleur enfouie au plus profond de la poitrine. Elle bat chacun de mes souffles et souffre à chacun de ses contrôles de ouf. On vit sur 365 jours. Aucun des miens est bon. On va dire bonjour. Elle ouvre ma salle de séjour. Nous écrit sur le haut des tours. Orala sur la place. Une grande phase. D'avoir trouvé ma place. On va allumer mon blaze. Mon putain de blaze. Orala, ne l'oublie pas, reste là. Calme-toi, fais comme tout le monde. Prends deux extas. Qu'est-ce que t'as? T'es chaud? Tu veux tester les gars ou sans chaud? T'es bien parti. Continue sur la même voie. Je sais pas à quel point tu vas ressortir fracas. Te fais pas de tracage, je sais même plus combien j'en ai eu en bas de la casa. Et passons à autre chose, parlons de la terre et de ces belles roses. La guerre qui explose, d'un sauce qui s'enfonce, d'un gosse qui se défonce. Mes proches me reprochent de pas écrire sur la pluie, le beau temps. Comment leur dire que chez moi y'a plus de l'acide? Je m'entends pas avec les gens parce qu'ils me croient stupide. Ma musique c'est une œuvre d'art, comme un tableau signé de la main de Léonard. Mérite d'en s'amuser, pas comme ce connard qui propose de la museler ou de la censurer. Mon sang a coulé, je propose que le public sache la vérité. On vit sur 365 jours. Aucun des miens est bon. On va dire bonjour. Elle ouvre ma salle de séjour. Écrit sur le haut des tours. Orala sur la place. Une grande phase. D'avoir trouvé ma place. On va allumer mon blaze. Mon putain de blaze. Mon blaze pose dans un sas comme un mec seul tout dans l'espace. Mon blaze qui fait avoir de l'espace. Attends la villa sur les côtes du Bahamas. Fait du son en masse. Le bifton il le ramasse à masse. Et compte plus de crasse que d'argent sur le compte. Mon blaze vit en décompte. Attends challenge, étudier la fonte. Mon blaze esquive les balles. De 6 à 9 mm. Les lames. De 10 à 20 cm. Les salles. De 2 à 4 mètres carrés. Mon blaze est représenté à chaque fois que mon flow fait des ciels. Lui qui rêve de visiter les étoiles et le ciel. De quitter ses terres. Mon bled me manque, mais pas autant que mon père. Je persévère, t'inquiète, je me laisserai pas faire. Ils sont où tous nos frères? Tout le monde déserte, plus qu'un horizon, l'horizon s'obscurcit. La prison précède les années de sursis. Avant d'être dead, je montre au monde ce qui se passe dans ma tête. Que les petits qui ne respectent plus finiront plantés en bas de la rue. De celles qui ont viré, la tenue de quartier à la tasse payée de soirée. Talons au Gucci ne sortent plus qu'accompagnés d'un bon parti. Les S, la moitié reviendront vendre leurs fesses. Pour tous ceux qui ont l'habitude de prendre les jambes de haut. Les Michael Vendetta n'enchaînent pas de pas chez moi. La tête tonique n'a pas entendu longtemps dans la bouche des grands. Alors on se contente des anciens passe-temps, à frouguer d'autres trois cotrues aux passants. On vit sur 365 jours. Aucun des miens est bon. On va dire bonjour. Elle ouvre ma salle de séjour. Nous écrit sur le haut des tours. Orala sur la place. Une grande phase. D'avoir trouvé ma place. On va allumer mon blaze. Mon putain de blaze. Putain, les cours, hein. T'as 5 phrases à dire, même pas. 4. 25 mots. On vit sur 365 jours. Aucun des miens est bon. On va dire bonjour. Elle ouvre ma salle de séjour. Nous écrit sur le haut des tours. Orala sur la place. Une grande phase. D'avoir trouvé ma place. On va allumer mon blaze. Mon putain de blaze.